Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. 100 000 francs burundais, c'est le prix du permis de conduire biométrique. La campagne de production de ces permis de conduire vient d'être lancée par la police nationale. Ce mercredi, les musulmans célèbrent la fête d'Idi El Fitri, marquant la fin du jeûne. Interrogés, certains musulmans disaient que cette fête est célébrée alors qu'ils sont embourbés dans la pauvreté. Et l'organisation ONLCT, qui lutte contre le trafic des êtres humains, plaide pour la signature des accords entre le Burundi et les pays destinataires des Burundaises qui sont trafiquées. Maître Prime Mbarubukeye considère que c'est une mesure alternative au cas où le pays ne serait pas en mesure d'éradiquer ce commerce. Et 4 élèves de Bubanza qui sont accusés d'avoir falsifié une photo du président de la République dans les manuels scolaires ont comparu ce mardi devant le tribunal de grande instance. Leurs parents demandent leur relaxation. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, à la veille de la célébration de la fête d'Idi El Fitri pour les musulmans, ces rencontrés au marché à Péréché, Sion, disent qu'ils sont dans la misère, ce qui ne leur permet pas de se préparer comme d'habitude. Ils demandent au gouvernement de prendre en main la question de la pauvreté de la population. Reportage signé Alain Désiré Boukéenèse. Nous sommes au marché communément appelé chez Sion. À la veille de la célébration de la fête d'Idi El Fitri, certains musulmans rencontrés disent qu'ils sont dans la pauvreté, ce que confirment les commerçants qui disent que les clients viennent à compte-gouttes. Aujourd'hui, comme d'habitude, ils sont en train d'acheter, mais ils ont acheté beaucoup plus hier. Un kilo de viande avec os coûte 5500 francs, au moment où la viande sans os coûte 6500 francs. Les choses vont mal, puisqu'il n'y a pas d'argent. Malgré la pauvreté évoquée par certains vendeurs et acheteurs, cette musulmane indique que chaque musulman prépare la fête selon son pouvoir d'achat. J'ai trouvé que le prix est normal. Si tu as de l'argent, tu achètes ce que tu veux. Si tu n'en as pas, tu achètes selon tes possibilités. Quant à moi, je remercie Dieu, car tout s'est bien passé. C'est normal qu'en une telle occasion, il s'observe la hausse du prix des produits d'Henri. Que ce soit les vendeurs, que ce soit les acheteurs, tous demandent à l'État de prendre en main la question de la pauvreté de la population pour prendre des mesures appropriées. Merci à Alain Désiré Boukéenèse. Et le président de l'association ONLCT qui lutte contre le trafic des êtres humains demande qu'il y ait une convention d'échange de main d'œuvre entre le Burundi et l'Arabie Saoudite et l'Oman. Selon Maître Prime Mbarubukeye, c'est pour éviter que des femmes et filles burundaises continuent à être trafiquées vers ces pays. Le président de l'ONLCT réagit après que 14 Burundaises aient été arrêtées à Goma en République démocratique du Congo alors qu'elles étaient en destination des deux pays. Maître Prime Mbarubukeye dénonce le changement de tactique des trafiquants. Après avoir constaté qu'il a été mis à nu à l'aéroport international de Bujumbura, le trafiquant a changé de tactique et a opté de trafiquer les Burundais via la voie aérienne des pays voisins, à savoir la République démocratique du Congo, notamment à Goma et à Bukavu, également le Rwanda, à Kigali, à travers la Tanzanie, Kigoma et Dar es Salaam. En marge de cela, l'ONLCT est ton frère condamne une fois de plus et avec toute sa dernière énergie le trafic des êtres humains sous toutes ses formes et réitère son engagement indéfectible à ne jamais se lasser de l'assistance judiciaire des victimes afin qu'elles soient indemnisées au diapason du préjudice subi. Et de ce qui précède donc, il faut que le gouvernement de la République du Burundi crée au sein de la PAF une série de vérifications des pièces d'identité des voyageurs, surtout celles des mineurs, sur les collines, en étroite collaboration avec les chefs de colline, à l'Oman et l'Arabie Saoudite d'approcher le Burundi afin qu'ils puissent signer une convention de coopération ou bien d'échange de main-d'œuvre des deux peuples. Ce n'est pas seulement les Burundais qui peuvent aller là-bas, même les Omanais ou les habitants de l'Arabie Saoudite peuvent venir ici au Burundi pour développer notre pays, mais il faut que tout cela passe par des voies légales et qu'il y ait une convention justement qui sanctionne cette coopération. Prime Mbarubukeye, il est président de l'association ONLCT. Selon les chiffres donnés par la police burundaise, près de 300 femmes et filles sont déjà trafiquées vers l'Oman et l'Arabie Saoudite. Comparution ce mardi à la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bubanza de 4 écoliers poursuivis pour gribouillage du photo du président de la République. Les parents de ces écoliers et le président de la fédération FENADEB plaide pour la libération de ses écoliers. C'est un reportage signé Evariste Nzikobanyang. Ces quatre écoliers détenus dans la prison de Bubanza, il s'agit de deux filles et deux garçons âgés de moins de 18 ans. Ils étudient dans deux écoles fondamentales de la commune Gihanga. Ils ont été entendus ce mardi dans la chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bubanza. Maître Jacques Nshimirimana, président du FENADEB, qui fait partie des avocats qui assistent ces écoliers, s'inscrit en faux contre la détention de ces enfants qui n'a pas respecté la loi, indique-t-il. Nous avons également souligné qu'il y a eu des irrégularités, notamment en mettant les enfants en garde à vue, alors que dans le code de procédure pénale burundais, les enfants de moins de 18 ans qu'on ne peuvent pas être gardés à vie dans des cachots des communes, des OPJ, ce qui a été le cas pour ces enfants de Gihanga qui ont été maintenus du 24 au 27 juin 2016 au cachot de Gihanga. À tout cela, nous avons demandé au juge d'en tenir compte afin qu'il prononce la liberté provisoire des enfants en attendant l'issue des investigations. Gentil Ndaïchimiye est l'un des parents de ces enfants sous les verrous. Elle demande la libération de ces enfants afin qu'ils aillent passer les examens de repêchage. Ils ont été arrêtés après avoir passé les examens de fin d'année. Nous demandons qu'après ces 48 heures, qu'ils soient libérés provisoirement pour qu'ils regagnent leur famille. Pour cette faute, c'est en nous les parents de donner à nos enfants des conseils, car c'est une infraction qui n'était pas dans nos habitudes. Ce n'est pas seulement des conseils à nos enfants, mais aux autres pour qu'ils sachent de quoi à respecter. En tant que parents, nous recommandons qu'ils ont commis une faute. S'ils sont libérés, nous croyons qu'ils ont besoin de conseils, car ils sont encore enfants. Même si nous n'y sommes pas de plus, nous pouvons les conseiller. Ces écoliers de Bubanza ont été entendus ce mardi à la chambre de conseil du tribunal de grande instance au moment où leurs coaccusés de Ruyigi ont été libérés ce lundi par le tribunal de grande instance Ruyigi. Le président du FENADEB demande aux autorités judiciaires des provinces de Muyinga, Muramza, Rumonge et Bubanza d'emboîter le pas les autorités judiciaires de Ruyigi. Concernant ces quatre écoliers de Bubanza, le tribunal de grande instance de Bubanza va rendre le verdict dans 48 heures pour infirmer ou confirmer leur détention. Une campagne de production des permis de conduire biométriques vient d'être lancée au Burundi. Le commandant de l'unité de police de roulage et de la sécurité routière indique qu'il coûte 100 000 francs burundais et que les détenteurs de l'ancien permis en papier ont jusqu'au 29 novembre de cette année pour l'échanger. Blaise Célestin Dirokubwayo nous en dit plus. L'après-midi de ce mardi, le ministère de la Sécurité publique a lancé un nouveau permis de conduire biométrique, non falsifiable et non imitable, qui garde les données biométriques du détenteur. Les fautes, les différents manquements ou les contraventions du conducteur seront emmagasinées dans la puce de ce permis. Le commandant Mousselem Alfred dit qu'il est produit et délivré après avoir payé 100 000 francs bout. Le prix du nouveau permis de conduire sécurisé, le permis de conduire biométrique, est de 100 000 francs bout. Et par rapport à l'autre aujourd'hui, qui était de 40 000 francs, vous comprenez qu'il y a une augmentation de 60 000 francs, mais une augmentation qui n'est pas énorme par rapport à la qualité et à la technicité utilisée pour produire ce nouveau permis de conduire biométrique. Et ce permis n'est pas falsifiable dans la mesure où il est produit d'une façon numérique et puis il comporte beaucoup de mesures de sécurité. Il y a beaucoup de signaux cachés et beaucoup de signaux aussi qui sont visibles mais qui ne permettent pas aux falsificateurs de dupliquer ce permis de conduire. Tout porteur de l'ancien permis de conduire a jusqu'au 29 novembre de l'année en cours pour pouvoir changer son permis. Au-delà de cette date-là, aucun permis de conduire sur papier ne sera plus accepté sur tout le territoire de la République du Burundi. Pour le moment, tous ceux qui veulent changer de permis de conduire devront vont se rendre ici, venir ici à l'unité de police de roulage, de sécurité routière qui se trouve à Bujumbura. Dès que vous vous présentez tout ce qui est nécessaire, que vous vous présentiez vous-même pour fournir l'information sur votre identité et donc aussi pour qu'on puisse prendre vos données biométriques, la production du permis de conduire dure de 10 à 20 minutes seulement. Et merci beaucoup. Le premier permis de conduire a été délivré au mois de novembre 1937 et il avait été délivré à un ressortissant grec du nom de Youma bin Mabrouk. Depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà délivré plus de 290 000 permis de conduire. Vous saurez que ces travaux ont été lancés par le ministre de la Sécurité publique, Alain Guillaume Bougnoni. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Sur la page de sécurité, plus de 80 personnes en âge avancé habitant les collines de Rubirizi, Muyange, Lugendo et Gitebe de la commune Mugina figurent sur les tracts comme quoi elles doivent être abattues. Elles sont accusées de sorcellerie par les auteurs de ces tracts. Craignant pour sa vie, une des personnes figurant sur ces tracts témoigne qu'elle ne passe plus la nuit chez elle. L'administration à la base promet de faire une campagne de sensibilisation de la population pour éviter que des gens soient tués gratuitement. Toujours sur la page de sécurité, encore sans vie, un homme a été trouvé ce matin à Maranvia, au pont qui divise la zone Buterere et Mutimbuzi. L'identité de ce jeune homme tué, qui aurait un âge compris entre 20 et 25 ans, n'est pas encore connu. Les habitants de Maranvia témoignent que le cadavre de la victime aurait été déposé à l'endroit où il a été trouvé par un véhicule qui a rebroussé chemin tout juste après. Et sur le corps, on peut voir qu'il aurait été étranglé. Le gouverneur de Burundi se dit confiant que la sécurité est bonne dans sa province. Il appelle la jeunesse estudiantine qui rentre en vacances à s'atteler aux travaux champêtres et de développement de leurs provinces et communes respectives. Christian Huruziza reconnaît toutefois qu'il y a encore des perturbations de la sécurité dans certains coins qui sont essentiellement liées au banditisme. Suivez-le, il a été joint au téléphone par Léonce Vitalio. La situation sécuritaire dans la province de Bururi est relativement bonne. Néanmoins, quelques cas de banditisme s'observent à gauche, à droite, mais nous essayons d'être vigilants en collaboration avec les forces de l'ordre, avec la population et avec la justice. Je vous dirais que nous avons déjà appréhendé pas mal de gens qui arrêtaient les véhicules pendant la soirée, qui spoliaient de l'argent. Nous avons arrêté pas mal de bandits. Il y a aussi des bandits qui voulaient perturber le centre Bururi. Entre-temps, n'y a-t-il pas d'innocents dans ces arrestations? Pas du tout. Il n'y a pas d'innocents parce que c'est la population elle-même qui les pointe du doigt. Et en plus, si je voudrais tranquilliser tous ceux qui m'écoutent, c'est que nous les appréhendons souvent avec des armes à feu. Quel est l'appel, quel est le message que vous pourriez lancer à la jeunesse pendant les vacances? Le message que je lance, c'est de ne pas aller dans des ligalas. Surtout, il faut qu'ils aident leurs parents dans les travaux champêtres. En plus, nous avons organisé des camps de travail qui vont les occuper utilement. Nous allons les occuper les avant-midi en faisant des cours de niveau, en entretenant les routes, en fabriquant des briques pour les écoles, faire des pépinières. En plus de cela, les après-midi, nous allons les occuper dans le sport et dans la formation patriotique. Au lieu de dire que Mugam, bah, y a de l'insécurité, dans deux mois, nous allons leur montrer que c'est Mugamba qui peut être la commune la première dans l'athlétisme dans le Burundi et dans le monde entier. Christian Nkurunziza, il est le gouverneur de Bururi et le 1er juin dernier, le président de la République avait donné 15 jours aux détenteurs illégaux d'armes de Bururi pour les rendre, faute de quoi ils seront traités comme des malfaiteurs. De faux documents semblables à ceux délivrés par l'Office bondé des recettes OBR sont en circulation et sont utilisés pour récupérer les documents saisis à des véhicules en infraction dans la ville de Bururi. Rumonge. Des personnes attrapées avec un de ces documents sont dans les mains de la police de Rumonge depuis ce week-end. La police dit enquêter sur la provenance de ces documents fraudés et la vente illicite des minerais, la diminution d'enveloppes des partenaires du Burundi dans l'exécution des projets et la gestion des stations d'essence. Telles sont quelques-unes des difficultés qu'a connu le ministère de l'Énergie et Mines au cours du premier semestre. Ceci a été annoncé ce mardi par le patron de ce ministère lors de la présentation des réalisations au cours de ces 6 premiers mois. Comme Manila Kiza a en outre indiqué qu'un office bondé des mines et carrières a été mis en place pour le contrôle des minerais burundais. Mireille Kanyange nous fait le point. Présentant ce mardi les réalisations semestrielles du ministère de l'Énergie et Mines, le patron de ce ministère a insisté sur la diminution des aides extérieures qui ont freiné l'exécution des projets de ce ministère, mais il rassure de la continuité de ces travaux malgré le peu de moyens. La vente illicite des minerais burundais vers les pays voisins a également constitué un défi de ce ministère, d'où un office des minerais est mis en place pour en contrôler les mouvements, un office opérationnel dès ce mois de juillet, comme l'a précisé le ministre comme Manila Kiza. À cette difficulté s'ajoute le problème de gestion des stations d'essence. Quelques-unes des réalisations de ce ministère durant ces 6 premiers mois de l'année 2016 nous sont présentées par le ministre de l'Énergie et Mines. Nous avons continué à suivre et à encadrer les travaux de production au niveau électricité. Là, je fais allusion aux travaux qui s'opèrent sur la rivière Mhanda, les travaux qui s'opèrent sur la rivière Kaburanwa, les travaux qui s'opèrent sur les rivières Jiji et Mwembwe. Autre point, c'est le carburant. C'est un secteur qui n'est pas du tout facile. Nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de défis, mais qu'avec le temps, on doit trouver solution. Au niveau du secteur des mines, nous avons continué à suivre les différentes associations qui font exploitation artisanale des mines, parce qu'il y en a ceux qui préfèrent prendre nos minerais et pouvoir chercher à les vendre dans les pays limitrophes. Puis dans le secteur de l'eau, nous avons continué à alimenter en eau potable certaines localités de l'intérieur du pays et pouvoir aussi continuer à mobiliser des fonds pour les projets à venir. Le plan d'action de ce ministère a été réévalué. Selon la dernière retraite gouvernementale qui confirme que le secteur public burundais est encore caractérisé par des lourdeurs bureaucratiques et des pratiques de mauvaise gestion des deniers publics. Radio Isanganiro Chronique. Le sport, c'est un remède pour le problème des articulations. C'est de cela que Clarine Nkurunziza, avec Dr Angélique Niokindi, nous parle dans cette chronique, dans cette deuxième partie de la chronique santé. C'est suite à celle diffusée mardi dernier. On les écoute. Le sport est très essentiel et même conseillé pour remédier aux problèmes d'articulation. Sinon, elles peuvent s'user rapidement, comme le dit Dr Angélique Niokindi, rhumatologue. L'articulation qui est bien utilisée ne va pas s'user rapidement, surtout pour l'arthrose. Il faut bien utiliser vos articulations. Et si vous ne les utilisez pas, ils vont s'user rapidement. Mais s'ils sont bien utilisés, ils vont rester fonctionnels pendant longtemps. Une alimentation équilibrée dès le bas âge est aussi un moyen de se prévenir de ces maladies au niveau des articulations. Il faut faire l'alimentation équilibrée, glucides, protéines et lipides en quantité suffisante et avec les sels minéraux dès l'âge le plus jeune. Parce que si c'est à l'âge âgé, continuer à le faire, mais en sachant que ce qui est perdu ne va pas être remplacé. On va essayer de diminuer la progression vers l'arthrose. D'après toujours docteur rhumatologue Niokindi Angélique, augmenter de plus de 4 kg par mois fatigue les articulations et surtout augmente le risque de les user. L'obésité, ça augmente le risque de faire l'arthrose, pas le rhumatisme, mais l'arthrose. Et dans ces arthroses, il suffit que vous augmentez plus de 4 kg par mois, vous allez fatiguer les genoux, les articulations des genoux et l'articulation du dos, mais le plus les genoux. Et donc là, essayez de rester avec un poids stable si vous êtes au poids idéal de l'OMS ou un peu plus ou un peu moins. mais surtout ne pas avoir plus de 4 kilos par mois. Si même vous avez augmenté de poids, mais 2 kilos, 3 kilos, pas atteindre 4 kilos. Les rhumatismes sont héréditaires, mais cela n'empêche qu'on peut les éviter ou les retarder si on a une bonne alimentation ou si on utilise les articulations convenablement ou si on évite de prendre du poids. C'est sur cette chronique santé que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi.